La 800e émission de Reynald. Non, mais tu te fous de ma gueule, Reynald. T'as fait 800 fois ton émission, j'en ai jamais entendu parler. Ça veut dire que ça marche pas. Laisse tomber. Allez, j'en ai rien à foutre. Troisième version, c'est parti, la version du confinement. Yo, popo, Rastafari. Les vieux qui n'ont plus de poumons à cause d'un virus à la con. J'en ai rien à foutre. Les vieilles qui dénoncent les gosses qui jouent dans la rue comme le faisait leur mère en 42. J'en ai rien à foutre. Chaque fois que le gouvernement nous parle à la télé, on a l'impression de regarder Pinocchio. Mais j'en ai rien à foutre. À l'hosto, on leur file des masques de plongée, et ça c'est même pas un poisson d'avril. J'en ai rien à foutre. Maintenant qu'on a plus besoin de gasoil, ça y est, les prix ont baissé. Putain, ça fait chier. Le PQ c'est devenu aussi rare que du foie gras de canard. Ça aussi, ça fait chier. C'est super important de respecter le confinement, sauf pour les Arabes qui bossent dans le bâtiment. J'en ai rien à foutre. Si Bolloré nous file gratos canal, c'est peut-être pour encore mieux nous niquer le code du travail. J'en ai rien à foutre. Aujourd'hui les femmes battues, putain qu'est-ce qu'on les entend brailler. Mais j'en ai rien à foutre. Le préfet de Paris qui nous donne ses précieux conseils en médecine. J'en ai rien à foutre. Soi-disant la chloroquine ça marche pas, n'empêche qu'Estrosi est toujours là. Putain ça fait chier. Les cons qui applaudissent à leur balcon, pile à leur désinformation. Ça aussi, ça fait chier. Et remercie les infirmières d'en baver leur place comme si c'était un truc nouveau. J'en ai rien à foutre. Les babas cool qui croient que la nature elle reprend ses droits et qu'après on vivra enfin dans l'amour. J'en ai rien à foutre. Les complotistes qui disent qu'en nous vaccinant ils vont nous introduire une puce électronique pour contrôler notre mental. Rien à foutre. Quand même pour certaines décisions, je me demande s'il n'y aurait pas eu un tout petit peu de retard. J'en ai rien à foutre. Pour éviter d'avoir trop de morts, on laisse écraser la bourse. Putain, ça fait chier. Parce que quand il n'y aura plus de bourse, des morts, là il y en aura vraiment. Et ça, franchement, ça va être un peu chiant. Voilà, ça c'est ma chanson que j'ai écrite pour faire trembler tous les gouvernements du monde. On est perdu, on croit plus rien, même les vieux ils ont capté qu'en fait notre président c'est pas lui qui dirige vraiment, que nos vrais chefs c'est des banquiers qui ont réussi mieux que lui. C'est pour ça, droite ou gauche, et ben non ça reste à droite. Tout le monde sait qu'on gagne les élections comme on vend des yaourts, simplement en passant à la télé tous les jours. Même ma mère elle a capté que la crise n'existe pas, c'est l'avancement de certains gros riches pour vendre nos usines aux chinois. Tout le monde a compris que les infos ça sert juste à nous faire peur en nous montrant la merde des autres pour qu'on se contente de la note. Alors vous les beaux costards qui décidez de notre sort, ne nous laissez pas comme ça, ça fait trop peur, faites un effort. Manipulez-nous mieux, manipulez-nous mieux. Construisez vos piscines en fermant nos usines, mais putain faites-nous rêver, faites-nous croire que vous nous aimez. Manipulez-nous mieux, manipulez-nous mieux. Servez-vous dans nos frigos, nos impôts c'est déjà cadeau, mais faites-nous croire qu'il y a des martiens, ça fera moins peur que croire en rien. Même les gamins dans les écoles demandent qu'à croire cette histoire que si au pays des barbus y'en a qui nous veulent pas du bien, c'est juste à cause d'une religion, et donc ça n'a aucun lien avec les militaires qu'on leur envoie régulièrement pour leur bien. Manipulez-nous mieux, manipulez-nous mieux. Allez, juste un petit effort, on vous demande pas grand chose. Vous savez aussi bien que nous qu'on n'a pas inventé l'eau chaude. La plupart d'entre nous, on aime bien se contenter de peu. On cherche pas à réussir et encore moins à diriger. On n'a pas très envie de passer à la télé, et encore moins envie d'être reconnu dans la rue. La La plupart d'entre nous, on saurait pas quoi foutre d'ayotte. On voit pas l'intérêt de laisser notre nom dans l'histoire. On trouve ça même vulgaire d'accumuler autant de milliards. Et c'est peut-être ça qui prouve que par rapport à vous, en fait, si ça se trouve, c'est nous qu'on est évolué. Cette chanson s'adresse à toutes celles qui se reconnaîtront en l'écoutant. Ah. Chaleur. Vois trop la classe, ta nouvelle meuf. 36 ans, une belle situation. Le petit cul bien entretenu comme une gonzesse de footballeur. Bravo, belle acquisition. Dis donc, c'est pas toi qui disais que les nouvelles Mini Cooper, c'est les bagnoles de petites connasses égocentriques et arrivistes. Bon bah voilà, tu feras pas qu'un top modèle comme ça. Si personne y a mis la main dessus avant, c'est pas bon signe, ça sent la folle. Violée par son père et du coup maintenant elle est chiante. Et elle préfère accumuler les échecs affectifs en allant tout le temps sur Mythique, au lieu de travailler sur elle-même avec un psy pour essayer de devenir enfin adulte. Tu voulais surtout pas te caser, seulement tu lui as fait le coup de la guitare. Forcément elle s'est agrippée, t'as eu la flemme de te casser. Bah c'est malin, comme un conte à une meuf. T'hallucines sur tous vos points communs. Elle a vu les mêmes films, les mêmes concerts. Et ben ouais gros couillon, c'est ça la mondialisation. On subit tous la même culture de masse de mauvaise qualité. T'es trop content, elle rigole de tes blagues. Mais ça, ça dure que le premier mois. Le deuxième mois, c'est parti. Y'a son ordi qui bug et c'est ta faute. Son compte en banque a découvert, c'est ta faute. Et même quand tu l'enfiles, elle t'engueule. Elle vient d'avoir 38 ans. Elle a jamais pu saquer les gosses. Mais là, vite, vite, vite, elle veut que tu l'engrosses. D'ailleurs, ça y est, elle attend que t'as fini de repeindre la chambre du petit bébé pour t'annoncer que tu dégages de toi. Elle gardera finalement que ta baraque, ton meilleur pote et toute ta thune. Mais ensuite, de ça, qu'est-ce que je voulais vous dire avant de passer au mot de la fin? Parce que c'est le moment où on doit pleurer. Et je le fais quelquefois à mon émission. J'ai engagé des pleureuses. Ah ben oui, parce que là, aujourd'hui, on pleure, on fait semblant de pleurer. On fait semblant de vivre. On fait semblant d'être heureux. Donc, j'ai fait affaire avec des professionnels. Des pleureuses qui viennent tout droit. Mais là, quand je te dis tout droit, là, je les ai placées dans un avion. Ah ouais, on n'a pas le droit, mais écoutez, pour une rançon canadienne, cet avion-là a décollé, a atterri sur l'île étrange. Elle s'appelle l'île étrange. L'hélicoptère nous attendait. On a pris l'hélicoptère pour arriver à Québec. De Québec, on s'est dirigé dans mon studio d'enregistrement sur la rue des Abbesses, qui s'appelle le studio des Abbesses, mais qui n'est pas sur la rue des Abbesses, qui est à Québec, avec mes pleureuses, pour ce soir culminer avec des pleurs et des remerciements, un peu comme un radioton ou un téléton, tout ce qui finit en ton, là. Alors, tondons la pelouse! Pour laisser passer mes pleureuses. Donc on va pas vous le répéter 800 fois. Monsieur Reynald Ganu fait des tas d'émissions de radio. Et alors nous, on est confinés. Et alors on a trouvé des occupations parce que il faut des occupations de confinement. Alors ça commence par une chanson à la gloire de YouPorn, le télétravail du branleur. Quand je prends mon pied à dire quelque chose devant une assemblée morose, il se trouve des gens pas très esthètes pour dire « mec, arrête ta branlette ». Moi, je leur réponds en ces termes d'une voix mal assurée et ferme. Une petite branlade, c'est comme une promenade, ça fait se raconter des choses. Ça vous calme un peu et c'est délicieux, ça vous fait voir la vie en rose. Et supposez qu'à une croisée, ma deux chevaux veuille plus avancer. Il se trouve des gens, il se trouve toujours un gros râleur pour gueuler, avance et branleur. Moi, je lui réponds sans détour, la circulation, ça rend sourd. Une petite branlade, c'est comme une promenade, ça fait se raconter des choses. Ça vous calme un peu et c'est délicieux, ça vous fait voir la vie en rose. Quand je vois mon chat sur mon plumard qui a l'air de prendre son panard, je suis bien sûr un peu jaloux de pas pouvoir me lécher partout. Mais je me dis sans amertume, chacun ses goûts et ses coutumes. Une petite branlade, c'est comme une promenade, ça fait se raconter des choses. Ça vous calme un peu et c'est délicieux, ça vous fait voir la vie en rose. Ma bonne amie qui a des amants me téléphone bien gentiment. Ce soir je dors chez une copine, pense à sortir le linge de la machine. Ne croyez pas que ça me fout le cafard de pouvoir m'étaler au plumard. Une petite branlade, c'est comme une promenade, ça fait se raconter des choses. Ça vous calme un peu et c'est délicieux, ça vous fait voir la vie en rose. Que la branlade soit méprisée, ridiculisée, n'a aucune justification, c'est une simple abomination. C'est pourquoi d'une voix courageuse, j'exhorte branleurs et branleuses. Une petite branlade, c'est comme une promenade, ça fait se raconter des choses. Ça vous calme un peu et c'est délicieux, ça vous fait voir la vie en rose. Petit Jésus, quand je serai mort, je sais pas si j'existerai encore. S'il y a quelque chose que t'organises, je t'en supplie, fais pas de bêtises. Un paradis artificiel pour des anges privés de l'essentiel. Une petite branlade, c'est comme une promenade, ça fait se raconter des choses. Ça vous calme un peu et c'est délicieux, ça vous fait voir la vie en rose. Alors là, c'était l'ingénieur du son qui applaudissait Sarc Loret. Et on va faire la deuxième chanson, toujours pour la 800e de Reynald. La chanson, c'est parce que au début de ce confinement, j'ai proposé qu'on fasse un atelier écrivage de testament, puisque la mort allait nous emporter, surtout nous autres, Reynald et moi, les boomers. Et donc, je vais vous chanter une chanson qui s'appelle « Mourir, c'est périr un peu ». Pour mourir pas trop amer, commandez des fromages et desserts et reprenez du camembert s'il est bien coulant. Pour mourir un peu content, choisissez vos médicaments. Si en plus on a mal aux dents, c'est pire que la guerre. Mourir c'est périr un peu, c'est pourrir un peu, c'est moisir un peu. Moisir c'est réduire un peu, c'est maigrir un peu. Maigrir c'est martyr un peu, c'est tartir un peu, c'est pâlir un peu. Pâlir c'est gémir un peu, c'est finir un peu. Pour une mort pas trop bancale, vivez donc à l'horizontale. Avec des filles pas trop banales, larguez vos bretelles. Pour une mort pas trop cruelle, venez apprécier nos modèles. Demandez Edwige ou Daniel en cabine spéciale. Mourir, c'est périr un peu, c'est pourrir un peu, c'est moisir un peu. Moisir, c'est réduire un peu, c'est martyr un peu. Martyr, c'est maigrir un peu, c'est pâlir un peu, c'est vomir un peu. Vomir, c'est finir un peu, c'est gémir un peu. Pas trop en rogne, ouvrez une bouteille de champagne. dès que la main de la charogne glisse sous votre panier. Pour mourir calmé sans hargne, vivez cul nu et sans vergogne. Partez faire la guerre en Espagne avec Simone. Mourir c'est finir un peu, ah bah tiens, elle est finie ma chanson. La la la la la la la la la la. Pour mourir dans très très longtemps, évitez les emmerdements. Pour mourir dans très très longtemps, vivez mourant, mourrez souvent. Pour mourir dans très très longtemps, mourrez vivant, vivez souvent. La la la la la la la la la la. Voilà, c'est fini. Oui. C'est les applaudissements de confinement. C'est ça. Tout seul. Allez-y, les pleureuses. Entendez-vous les pleureuses qui arrivent? Là, attendez, là, pleurez au moment où je vous le dirai. OK? Restez silencieuse parce que le mot de la fin n'a pas encore été dit. Hey, 150 pleureuses, hein? En hélicoptère. L'hélicoptère volait un peu bas. Mais comme l'humour ici, quelquefois, atteint des sommets vertigineux jamais utilisés avant cette émission farfelue, ben, il est temps de remercier tous mes invités. Et également, CKRL de m'endurer depuis ces 800 émissions-là. On a vu passer des animateurs, des chroniqueurs, et comme... Ah oui, j'ai un personnage, moi, qui dit... chroniqueur, chroniqueuse, non, lui, c'est chroniqueur et chronique croqueuse. Ouais, c'est bon, sous la dent. Et sous la dent, pas sous Satan. Satan, ça, on s'attend pas à ça, ben non, c'est certain qu'on s'attend pas, on s'attend à rien. Le but des Rances Rénaldiennes, c'est de laisser venir, sans jamais savoir vers où on va passer pour atteindre l'objectif qui est de 120 minutes de radio à chaque semaine pour vous. Et c'est avec émotion que je vous présente mon dernier invité, c'est celui qui ferme ce 800e. Il a eu la générosité, le grand cœur de me chanter deux chansons en les signant de sa voix. Et là, tu dis qu'il signe de sa voix? Prend-il un crayon? Non, il prend une bouche. C'est pas une bouche d'égout, là. C'est même sa propre bouche pour chanter, pour parler. Et il a la force de prendre sa guitare et de nous offrir ces deux joyaux. Alors, merci à tout le monde, à tous les citoyens CKRLiens de m'accueillir à chaque semaine entre vos oreilles pour vivre une folie que l'on doit constamment renouveler et garder espoir en la vie, en l'amour et même en la mort. La mort. Comme disait Jean Lapointe, la mort, c'est une scène après le show, quand derrière... Quand... C'est vieux, ça, là. La mort, c'est une scène après le show, quand derrière ton dernier rideau, tu restes seul dans le silence, en espérant une autre chance. Mais la scène ne connaît pas ça. Merci, mes amis. À la semaine prochaine, on se lance vers d'autres folies. Et bye-bye. À la prochaine. Allez, les pleureuses. Vous êtes bonnes. Vous êtes pris dans un micro, puis on croirait même en entendre juste une, mais c'est celle qui gueule le plus. Les autres sont cachés.

tous ceux qui sont toujours hors propos, ceux qui font pas ce qu'ils conseillent aux autres de faire. Moi je suis des vôtres, moi je suis votre frère. Yow! Oui, mon droit à l'incohérence, je l'exerce. Puis non, j'suis pas un modèle pour la jeunesse. Ah non, j'fais rien pour le progrès social. Moi, j'suis plutôt du genre bien-être social. Quand je sors ma guitare et que je bugle, c'est du gros n'importe quoi jeté à l'aveugle. Un manger donc de la marde, un fuck you immense, jeté à la face de la cohérence. Wow! Que vous n'y voyez qu'une bouillie vide de sens, une manifestation précoce de démence. Rien à chier, sacrez-moi patience, moi j'exerce mon droit à l'incohérence. Voilà, bonne vie à Rénal et aux errances rénaldiennes. Cher Rénald, bonjour, c'est Brigitte, dite bébé. Pour ta 800e, je pense à toi de mes hauteurs de Montmartre où je vois tout Paris, parce que c'est à Montmartre qu'on s'était rencontrés il y a quelques années, rue des Abbesses, au Sancerre pour être plus précise. On avait parlé à bâton rompu de longues heures, une entrevue à laquelle tu n'avais rien coupé, t'aurais peut-être dû. Ça avait collé entre nous parce qu'on a un gros point commun, la passion de ce qu'on fait et l'engagement avec lequel on le fait, c'est important. Et puis on s'était écrit, on s'était revu, avec grand plaisir toujours. Je t'avais mis en contact avec plusieurs artistes. Tu voulais interviewer Michou, une figure de Montmartre. Je t'avais fait rencontrer son attaché de presse. Heureusement que l'entrevue s'était faite en juillet. Parce que Michou nous a quittés en janvier dernier. Et puis ton retour en février. Heureusement, février, un mois où tout fourmille, où il y a plein de spectacles, où les artistes ne sont pas partis à Avignon. Je t'ai dit que j'avais une amie qui faisait un spectacle sur Colette Magny. Tu aimais beaucoup Colette Magny. Je t'ai donc amené voir le spectacle et tu as pu faire la rencontre de la merveilleuse Faïza Kadour, une grande amie. Et puis après, je t'ai amené dans un bar à Pigalle. Je t'ai fait rencontrer les membres d'un groupe de Easy Metal, les Silent Evil. T'as été tellement content de savoir qu'ils chantaient en français. La rencontre avec Damien et Nicolas s'est tellement bien passée. On a passé une soirée de fou. Alors je leur ai dit, hey, c'est la 800e de Rénald. Ils m'ont dit, ben, on va lui composer un petit quelque chose. Alors juste pour toi, mon Rénald, les Silent Evil et vive le rock and roll. Joyeuse 800e, joyeuse 800e Rénald et au CKRL. Avant de nous quitter, je tiens à remercier tous mes invités en les nommant un par un. Donc merci à Camille Fest, à Kat Loris, à Charlène Duval, à Céline Pelletier et Jean-René Lourtet, Egon Quargel, Emmanuel Bemer, Éric Vincent, Franqueur, Fleur Oftwood, Gilles Rocco, Gull Debois, Renaud Bernal, Isa Gagnon-Camion, Michael Gagnon du groupe Spacemaker, Nicolas Patou, Pauline Paris, Nicolas Vidal, Paul Pechnard, le groupe Pike, Rosie-Marie, Pierre Fa, Thierry Lafayette, Didier Super, Sarclo et mon oncle Serge. Et sans oublier Brigitte Boucher. Vraiment, vous avez été extraordinaire. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre errance rénaldienne. Bye bye. C'était Rénal Gagné. Merci encore. Chers amis, si je vous ai bien compris, vous êtes en train de dire à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois.